Represent your country, raise your flag, show your two colors. Ils se sont séparés il y a plus d'un an. Bon, on va les réunir. Les frérots de la Vega arrivent dans un instant sur Énergie. Énergie. D'ailleurs, ils sont pas si séparés que ça, hein, puisque dans le dernier clip de Jérémy Frérot, donc un des membres des Frérot de la Vega, eh bien, on peut y voir Florian de la Vega, l'autre membre. Allez voir ça à la fin du clip. On vous l'a mis sur Energy Hits en télévision. Vous le verrez. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ils sont restés amis. Ils ne se sont pas totalement disputés, comme c'est le cas des fois dans les groupes. Hein. On pense des fois au Black Eyed Peas aussi, où il y a des fois eu des tensions. Ah bah là, c'est pas le cas. Ouais, on est content. Les Frérot de la Vega, ça arrive juste après Clean Bandit. Énergie. Très vite. La playlist Énergie. C'est le retour de la playlist Énergie. Je paie moins cher, tu paies moins cher, il paie moins cher. À la rentrée, les bonnes affaires se conjuguent chez Cora. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Et dire que vous allez devoir choisir. Découvrez notre offre illimitée de smartphones à 9 euros avec Koala Limited Edition. Orange. Conditions sur orange.be. Quand on parle des Allemands, certains clichés ont la vie dure. Comme leur cuisine par exemple, qui ne serait pas des plus gastronomiques. C'est possible, mais ils ont raison de faire tout un plat de l'Opel Grandland X. Un SUV raffiné et impressionnant dont le prix est plus avantageux que vous ne le croyez. Le SUV Opel Grandland X. La qualité allemande, immédiatement disponible avec un avantage total de 5900 euros. Maintenant, sur opelstock.be. Calling. La playlist Énergie. Enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Da da da da da da da. Spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love you, so please don't stop it. It's like I'm mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Oh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. check my messages, I'm 15 years old. Everyone's expecting me to do what I'm told. Time is ticking, I feel it all around. I wanna break free, but I don't make a sound. I just checked my messages, I'm 16 years old. Daddy lost his job today, everyone's at home. Time is ticking, the silence tells the truth. Times are changing, I don't know what to do. Dum dum day oh, dum dum day oh, dum dum day oh, dum dum day oh, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. I just checked my messages, I'm 18 years old. My friend did drugs again last night and I'm worried about her soul. Time is ticking, the minutes pass by, and all I wish is to go back in time. Dum dum day oh, dum dum day oh, dum dum day oh, dum dum day oh, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. I'm gonna check my messages when I'm 30 years old. Around my finger and my own baby to hold. Time's still ticking, but I know what it means. Keep on going, boy. Whatever your hype. C'est lui qu'on va retrouver dans un instant sur Énergie avec son hit More Than Friends qui veut dire plus qu'amis. James Hype serait-il dans la friend zone? Je ne sais pas. Je compatis si c'est le cas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, James. Avant ça, voici Aya Nakamura dans la playlist Énergie. Aya Nakamura. Hello papi, Mickey Bazar. J'entends des bails à 300 mains. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. y'a pas moyen, dja dja. Tu pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. Tu pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Tu pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Tu pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. I often tell myself that we could be more than just friends. I know you think that if we move too soon, it will all end. I live in misery when you're not around. I won't be satisfied till we're taking those vows. What's it gonna be? 'Cause I can't pretend. Don't you wanna be more than friends? Hold me tight and don't let go. Hold me tight and don't let go. Hit tout frais dans la playlist énergie. Hit music only. Chérie pousse. Maybe I'ma get a little anxious. Maybe I'ma get a little shy. 'Cause everybody's trying to be famous. And I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold on somebody. But no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this. I don't even think I'm gonna try. Get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. 'Cause all I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure. Baby, that's okay. Baby, that's okay. I promise myself one day. I'ma tell them all. I'ma tell them all that you can. Just the way I am. That's just the way I am. Yeah, this is what you wanted. Oh, this is what you wanted. Everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. I'ma tell them all, I'ma tell them all that you can either hate me or love me, but that's just the way I am. I'ma tell them all, I'ma tell them all that you can either hate me or love me, but that's just the way I am. I'm just a little anxious, and maybe I'm a little scared, cause everybody's trying to be famous. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Yeah. qu'est-ce que ça peut faire du bien ce genre de hit à l'instant sur Energy, c'était Puff Daddy. Et si vous aimez ce genre de hit, justement, qui est sorti il y a quelques années, là c'est en 1997, la date de ma naissance, enfin l'année en tout cas, eh bien retrouvez-les dès maintenant sur notre application Energy Belgique. On vous a mis plusieurs web radios et il y en a une qui s'appelle Energy 90. Vous avez donc les meilleurs hits des années 90. Et puis si vous préférez les années 2000, bah, il y en a pour tout le monde de toute façon. Rendez-vous donc dès maintenant sur notre application Energy Belgique. Nous on poursuit cette playlist avec Maroon 5 qui arrive et Kungs aussi dans un instant. Restez bien là. Très vite. La playlist énergie. C'est le retour de la playlist énergie. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenborre. Dis pas, j'ai envie d'acheter un nouveau PC portable. Cool. Qu'est-ce que t'en penses, un processeur Hexacore? Grave. Port USB-C? Blindé. Et pourquoi pas un 2 en 1? Ah, why not? Vous préférez avoir tout de suite le bon conseil? Chez Vandenborre, nos spécialistes sont à l'écoute de vos envies et choisissent avec vous l'appareil qui convient le mieux à vos études. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Sécurisez votre nouveau PC portable avec notre multimédia service pack et profitez d'une assistance téléphonique illimitée. Bon fiston, t'as déjà une idée des études que tu veux faire? Non, je vais directement chercher du boulot. Quoi, sans diplôme? Ouais. Oh, Béa, t'as pas un truc à dire à ton fils, là? Je peux lui dire qu'en ce moment, chez Switch, tu reçois 10% sur ton MacBook ainsi qu'un casque audio Beats. Ah, c'est bien ça, hein? Ah oui, et en plus, tu reçois l'accès à de super morceaux de musique pour accompagner chaque moment de ta journée. Bah, tu vois. Mais attention, hein, l'offre est réservée aux étudiants et aux professeurs. Ah non, mais j'avais oublié, mais en fait, la philosophie, ça m'intéresse à fond. Oh, la philosophie. Switch. Upgrade life. Plus d'informations dans nos magasins ou sur switch.be. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. hit. Tout frais. Tout frais. Tout frais. Dans la playlist Énergie. Salut, c'est Koongs. Koongs featuring Stargate. We might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget before we go to bed, and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever, we can do better. I'm not worried cause the thing is, we can do better. I know you and I are different. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. Say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. And I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me. I met you, I was treading water. And baby, I know, you know, I got an eye that wanders. But right now, in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you. You love, love, love me. Love me better. You love, love, love me. There've been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you love, love, love me, love me better. Say the meanest things. Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me better. C'est Camille Cabello qui va arriver dans un instant sur Energy. Juste avant, j'ai besoin de vous, hein, les amis, puisque j'ai vraiment besoin d'un déo d'une manière assez urgente, on va dire. J'ose pas demander à mes collègues parce que j'ai pas envie qu'ils sentent la bonne odeur que je dégage. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous avez un déodorant avec vous, bah, n'hésitez pas à sonner à la porte d'Energy. Je vous accueillerai les bras ouverts. Enfin, pas trop non plus. Hein. Aïe, bailalo, bailalo. Baseline. Confident you never get declined. Man come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah. Come on. que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo. Pintando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Tip the top, top down, all in your town, we live it top. Still got an attitude and I don't give a what. Tell the DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We ain't things set up, y'all I get take off. Then my move slow, so they done just let us. You know we never lie, pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Bebiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Quiero. Si tú te quedas conmigo, volando esta mañana, corremos el riesgo de despertar en mi cama. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré. Calypso, te daré. Calypso, 1, 2, 3, Calypso. À toi, Fredo, il m'a envoyé un message sur notre page Facebook. Énergie. Fredo qui est chauffeur-livreur et qui me dit qu'il écoute Énergie la journée pour que ses trajets passent plus vite. Oh, c'est mignon. Bah, tu vas pouvoir continuer avec Tiesto tout de suite. Il est 14h, non 15h. Soyez les bienvenus. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', down on call it South Beach, yeah. Look like Kelly rollin', this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. Got you, know I got the sauce like a recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, back. About me, back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well, maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah, yeah. Oh, finger to the world, let's f- you, baby. I've been slaving, done the f- cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo, living. living life on fast forward, but we slow mo. Yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I can't wait for the show. Oh, oh. Got that good, yeah, I know. Oh, oh. You should not be alone. Oh, oh. All this drink got me low. Car got me right, and I feel so alive. Hey. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She hey. Just wanna stay up late, she just wanna stay. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Vos hits préférés sans s'arrêter. Sans s'arrêter. La playlist énergie. C'est la playlist énergie. Havana, oh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, oh, na. He didn't walk up with that. Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bang it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Well, shawty caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart. Justin Timberlake, c'est lui qu'on va écouter dans un instant sur Energy. Et on va bientôt pouvoir le lire aussi, Justin, puisqu'il va sortir un livre qui s'appelle Inside and All the Things I Can See in Front of Me. Rien que ça. Ce qui veut dire le recul et toutes les choses que je ne peux pas voir devant moi. Eh bien, je vous laisse méditer. Voici James Arthur. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better, better, better, better. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I loved, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in life. And I hope you find somebody. C'est tout frais. Tout frais. Tout frais. Dans la playlist énergie. Hey, this is Justin Timberlake. You're listening to NRJ. Justin Timberlake. I love your heart. Beat. Giving me rhythm. And I can feel your frequency. So unique. In other words, such a freak. Set me free. I wanna be, wanna be. I wanna be your soulmate. For the night. Let me put my soul on ya, it's only right. Let me pull you up out your body and mind. Let me be your soulmate for the night, just for the night, for the night, just for the night, for the night, just for the night. Two rhythms turning into one heartbeat, yeah. Magic when you get close to me. And we can disappear, make it disappear. That's too many clothes for me. I wanna be, I wanna be, I wanna be your soulmate. For the night, let me put my soul on ya. It's only right. Let me pull you up out your body and mind. Let me be your soulmate. For the night, just for the night. Just for the night, for the night, just for the night, for the night, just for the night, for the night, just for the night. piece, you can't stop that. See, you never land nothing on this. Chef, you call the infinity, bam bam. Pass your life, put a tam tam. Metal, la fire, sa braca. Sa kalala, nothing, na bla bla. Goody, goody, les bouts dansés. Dans tout côté, les bouts tournés. Mets sur les go devant, sur les go derrière. Les tournés, les tournés. Il met son poids devant, et son corps derrière. Les tournés, les tournés. Mets sur les go devant, sur les go derrière. Les tournés, les tournés. Mais son corps devant et son corps derrière. Les tunes, les tunes. C'est toi qu'on va retrouver d'ici quelques minutes sur NRJ. On aura également Alvaro Soler. NRJ. It's music only. Oh les amis, je peux déstresser parce que mes deux grands patrons d'NRJ sont passés dans le studio ici dans lequel j'étais. Et j'ai retrouvé ce sentiment, vous savez, qu'on a quand on est à l'école et que la prof vient derrière ton épaule pour voir ce que t'écris sur la feuille d'interro. Eh ben, c'est exactement la même chose que j'ai vécu il y a quelques minutes. Mais bon, ça va. Je suis tout seul à nouveau dans le studio. Je peux poursuivre la playlist NRJ comme il se doit avec Metro Games aussi qui arrive dans un instant. Bougez pas. Très vite. La playlist NRJ. C'est le retour de la playlist NRJ. Chez Litry Prestige, découvrez le matelas Simba, la dernière innovation en confort de sommeil. Remise de 15%. Simba en exclusivité pour la Wallonie chez Litry Prestige. C'est peut-être cliché, mais à ce qu'il paraît, les Allemands ne parlent qu'une seule langue, l'allemand. Eh bien, ce n'est pas totalement vrai. Les Allemands parlent aussi la langue des SUV haute technologie. La preuve ? L'Opel Grandland X, dont le prix est plus avantageux que vous ne le croyez. Le SUV Opel Grandland X. La qualité allemande, immédiatement disponible avec un avantage total de 5 900 €. Maintenant, sur opelstock.be. Chez Switch, reçois 10% sur ton MacBook ainsi qu'un casque Beats Solo 3. Offre réservée aux étudiants et profs. Switch. Upgrade life. Plus d'informations dans nos magasins ou sur switch.be. Domino's Pizza a une bonne nouvelle pour toi. Ce sont les semaines de folie sur l'application Domino's Deals. Dernière semaine pour profiter de toutes les pizzas régulières à emporter à partir de 3,50€. Uniquement sur l'appli. canción. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Vos stars musicales du moment. C'est la playlist énergie. Playlist énergie. Oh no. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously. Whoa. Talk to me, baby. I'm rolling up.

get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Votre radio préférée. Énergie, j'adore. Vos hits préférés. Energy. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. Oh, Dja-Dja, y'a pas moyen, Dja-Dja. J'suis pas ta gata, Dja-Dja, genre. Ici, c'est Énergie. Hit music only. À leur guise de me déguiser, j'ai tout écouté. Sur le comment, comment je devrais, même ma voix. Trémolo, faut-il ou faut-il pas, même les émois. Me laisser aller, je devrais pas. Mes mauvaises nouvelles, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, elle l'a dit. Malade, mais je pense que ce sont tous les fous. Malade, ils pensent qu'on est fou quand on est fou. Malade, mais je pense que ce sont tous les fous. Malade, alors je suis malade, je l'avoue. Pour ce qui est du deuxième couplet, je sais plus trop quoi raconter. À peu près la même chose que dans le premier. Ah non. Et y'a pas d'âge pour se dire heureux dans une cage. Et y'a pas d'adage qui mettrait à mal mon message. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, me l'a dit. Malade, mais je pense que ce sont tous les fous. Comme l'on est, c'est maman qui me l'a dit, ouais. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. On est fait comme on est, elle me l'a dit. melody, yeah, I heard you tonight. So I'll toast to the times. Played out in the cemetery, yeah, I'll toast to the times. Cause I'm falling for every sign. Calling out for you, calling out for me. Chasing the sound till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me. Till we rewind. You'll be my sad song Got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song Hard is to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Some say love never dies, but a bullet went into me and I lost every fight. One more drink for the ride, put me out of my misery and I'll fall to the fire. Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me. Chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me. Till we rewind. You'll be my sad song Got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song Hard is to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. It's okay if I believe it, cause everywhere I go, somehow you're close to me. You'll be my sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hard is to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Les filles et Chiran arrivent sur Energy. Et c'est pas tout puisque Moziman aussi sera là. Energy. Et à 15h43, c'est le moment du petit point météo de la journée. Vous avez peut-être, comme moi, été déçu de la météo d'aujourd'hui quand vous vous êtes levé ce matin, rempli de nuages, des pluies aussi par endroits. Eh bien, sachez que j'ai une bonne nouvelle, puisqu'à partir de jeudi, normalement, eh bien, on devrait retrouver un grand soleil qui devrait tenir au moins 3-4 jours pour rejoindre lundi. Et alors lundi, mais bon, on n'y est pas, hein, c'est dans une semaine. Il prévoit 26 degrés à peu près partout en Belgique. Oh là là, j'ai hâte d'être lundi, moi. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince est sur Énergie. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenborre. Dis pas, j'ai envie d'acheter un nouveau PC portable. Cool. Qu'est-ce que t'en penses, un processeur hexacore? Grave. Port USB-C? Blindé. Et pourquoi pas un 2-en-1? Ah, why not? Vous préférez avoir tout de suite le bon conseil? Chez Vandenborre, nos spécialistes sont à l'écoute de vos envies et choisissent avec vous l'appareil qui convient le mieux à vos études. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Sécurisez votre nouveau PC portable avec notre multimédia service pack et profitez d'une assistance téléphonique illimitée. Maman, il est où mon stylo flamant rose? Maman, je peux décorer ma fin d'appaillette avec du washi tape? Maman, encore combien de fois dormir avant la rentrée? Oh là là, quel enthousiasme! Normal avec tout ce matériel scolaire incroyable. Découvrez-le chez Dreamland et sur dreamland.be. Dreamland! Tout est plus marrant en jouant! Base présente les aventures de... Et dire qu'à la fin du mois, nous serons abandonnés! C'est trop triste! Oh, sauve-nous, Tata Doggy Bagman! Comment? Des Tata abandonnés? Jamais! N'ayez crainte! Venez avec moi! Je vous emmène au mois suivant! Oh non! héros. Ouais, il paraît. Avec les abonnements de base, j'emmène vos restes de data au mois suivant. En plus, vous avez les appels illimités et 6 gigas pour 27 euros par mois. Conditions sur base.be. Base. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Well, ain't nobody hurt you like I hurt you, but darling, but I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier. C'est tout frais. Tout frais. Nouveau hit, tout frais. Dans la playlist Énergie. Moziman. You were the light. I dream about you every night. Another day, another life. You're the one, I watch your eyes. Let me love you. do I go? You know I'm coming for you, California. Oh, wherever I go, I know, you know I'm coming for you, my California. So don't hold your tongue, cause it's no longer working. Don't fall on your sword, just follow your instinct. Like an old lesson learned, like an old lesson learned. Only you know what it is to see through the eyes that are trained on me now. I can only tell you how it looks from here. I think you made up your mind, I think you made up your mind. Don't give in, no you dare quit so easy. Give up, there you got on the soul. Don't say that you are it forever. I know, I know. Don't give in, no you dare quit so easy. We can learn from this loss. Learn not to let it fall around our ears. Don't fall in love with the way things were. It'll mess up your mind, it'll mess up your mind. But this is all on the wings of others. I loved you more in your own flight. So it ain't the same. It won't be lost forever. It won't be lost forever. Don't give in. I was caught off guard, like a shot to the heart. Yeah. We are bound for the stars. We got our own thing now. We got our own thing now. Yeah. I'm greedy with your love. Fall, I'll be your safety. You're my favorite drug. Never leave me empty. Can't stop us now, we're floating. Don't matter where we're going now. Oh now. Lately we've been catching butterflies, pink and yellow, blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies, summertime in blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. I was caught off guard, like a shot to the heart. Yeah. We are bound for the stars. We got our own thing now. We got our own thing now. Yeah. I'm greedy with your love. Fall, I'll be your safety. You're my favorite drug. Never leave me empty. Can't stop us now, we're floating. Don't matter where we're going now. Oh now. Lately we've been catching butterflies, pink and yellow, blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies, summertime in blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. Catching butterflies, catching, catching, catching butterflies, catching, catching, catching butterflies, catching, catching, catching butterflies. Et à partir de 16h, c'est Wendy qui est de retour. Hey, ça va? Mais oui, et toi? Ça va, Flo? Mais oui, t'es parti en vacances? Ouais. Tu es bronzé ou pas? Bah, on va dire que c'est les lumières. Hein. Wendy, que vous retrouvez avec Ralid tout de suite sur Énergie jusque 20h. Bah, c'est la rentrée pour tout le monde. Puis moi, je vous dis rendez-vous tout à l'heure, juste après eux, à 20h. Bisous. On prendra des chemins différents, sans savoir où, savoir comment. On prendra des risques à chaque instant, des vies d'adultes au rire d'enfant. Léger retard, une fois de plus, la fois de trop. Lueur d'espoir, je me confie à demi-mot. J'ai cru en ces belles histoires, celles qu'on raconte dans les livres, celles qu'on nous lit le soir et qu'on attend de vivre. Badam, badam, badam, badam. Des aventures à terminer, un sprint final, la liberté, éclat de rire à l'arrivée. Nouveau départ, projet de vie à l'horizon. Sous les regards, je me confie à demi-mot. J'ai cru en ces belles histoires, celles qu'on raconte dans les livres, celles qu'on nous lit le soir et qu'on attend de vivre. Badam, badam, badam, badam. Pardonner. Tu peux vivre ton bonheur sans devoir le cacher. Inutile de l'avouer, c'est déjà pardonné. Tu peux vivre ton bonheur sans devoir le cacher. En ces belles histoires, celles qu'on raconte dans les livres, celles qu'on nous lit le soir et qu'on attend de vivre. Badam, badam, badam, badam. C'est parti. Après 4 ans de vacances, Wendy est de retour. 3 ans. Oui, parce que moi j'étais là la semaine passée. J'étais pas à l'antenne. T'étais là ? Oui, je bossais, je préparais cette émission que tu vas présenter aujourd'hui. C'est d'ailleurs. Ça, bien sûr. Non, tout le monde te croit. Pourquoi pas. Ouais, toi on sait que tu bosses pas. Attends, par contre, ça fait 2 semaines qu'on est en congé, j'ai complètement oublié les boutons. Ne pousse pas sur les mauvais boutons, s'il te plaît. Voilà, voilà. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Il est 16h, on fait tout de suite un point météo. Et ce soir, le ciel restera partiellement nuageux. Les minima seront compris entre 6 degrés en Haute-Fagne et 13 degrés à la côte. Demain, le temps sera sec, ensoleillé et aussi plus doux, avec des maxima de 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 24 à même 25 degrés en Campine. Yannick, toi, ça va, hein? Ouais, tout va bien, ouais. Ouais, je suis en train de meubler parce que je ne sais pas sur lequel bouton appuyer. Attends, sur quel bouton appuyer. Voilà, parfait, tu t'en sors bien, Ralid. Voilà. On va écouter Rudimental et Major Lazer dans la suite des hits. Et là, effectivement, on s'informe. C'est avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Mindy, bonjour à tous. C'est bientôt la rentrée en secondaire et les élèves flamands auront un nouveau cours dans leur horaire. Il s'agit d'un cours intitulé L'homme et la société. Il comprendra des formations d'éducation aux médias, d'esprit d'entreprise, mais aussi certaines matières liées à la citoyenneté. Cette nouvelle formation se fera au détriment des heures de néerlandais, 5 heures en moins par semaine. Une nouvelle qui a fâché du côté de la NVA. Faites attention aussi aux jeunes enfants aux abords des écoles. 10 accidents de la route par jour ont été recensés l'an dernier. Des accidents qui concernaient des enfants de moins de 15 ans. Dans près de la moitié des cas, les jeunes victimes sont à vélo ou alors à pied. L'Institut pour la sécurité routière tient à rappeler qu'il est primordial de bien préparer les enfants à faire le grand saut, notamment en étudiant le parcours vers l'école. En France, les associations de défense des droits des lesbiennes et homosexuels ont dénoncé les propos du pape. Ils les ont jugés irresponsables. Pour rappel, le pape a préconisé le recours à la psychiatrie lorsque des parents constatent les orientations sexuelles de leurs enfants. Les associations condamnent ces propos qui renvoient l'idée que l'homosexualité serait une maladie. En football, le sélectionneur islandais a donné sa sélection au vu des matchs contre la Suisse et la Belgique prévus le 11 septembre. Vendredi prochain, Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, annoncera lui aussi sa sélection pour le duel amical en Écosse d'abord et ensuite le match de Ligue des Nations 4 jours plus tard en Islande. Et enfin tennis, David Goffin défiera demain l'Italien Federico Gallo au premier tour de l'US Open. Il s'agit de la première participation au tableau final pour l'Italien sorti des qualifications. David Goffin était 8e de finaliste l'an passé à l'US Open. T'as eu des petites vacances, Yannick? Ouais, j'ai eu pas mal de vacances. Ouais, ouais, t'as bien j'en ai bien profité. Ouais, ouais, bon, super. C'est parti pour la rentrée. Alors, ouais, hein. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Beau ou mauvais temps, la nature va vous surprendre. Saviez-vous que l'eau de pluie qui tombe à Chauxfontaine est filtrée pendant 60 ans par la nature? Chauxfontaine, naturellement surprenante. Leave it up, leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live it up. Leave it up, leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live my life.

on ira faire les rois pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Radio qui vous joue. Les meilleures nouveautés. Louis Fonsi. JP Cooper. Jax Jones featuring Mabel. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house, are you crazy? You said you were home, but I saw on your story you out till the morning, not alone. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring ring. If you make it out alive, maybe you can make this right. Maybe you can make this right. Oh, cause so many times I told you, the next time I'll be colder to you. To you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house. Are you crazy? You said you were home, but I saw on your story gotta pick up. Hello. Ooh, wrist cold, icicle. Ooh, is she bad? I'ma taste the purple pickle. Purple pickle. Pulling up, drop top, two seats. We in Vegas. Ooh, I made it. Ooh, I made it. She wanna take a picture with me cause I'm famous. Cause I'm famous. Count the money up, I know they hate it. I know they hate it. It was on one night, we never dated. Ooh, made back in the back and we faded. And we faded. Stacking out the paper, we got paid. We got paid. And I'm straight. Straight. They gon' hate. They gon' hate. Hello, I'm pulling up, right at 8. Ring, ring. Alors ça tombe bien, on vous dit hello. Bonjour tout le monde, bonjour Khalid. Bonjour la Belgique. Comment ça va? Qu'est-ce que ça fait bizarre de te voir Khalid? Ça fait bizarre, ouais, ouais. Je suis plus beau. C'est bizarre, je suis bronzé, en fait, tout simplement. T'es un petit peu bronzé, ouais. Mais toi pas du tout, t'as été non. Où t'as été, non, je suis restée en Belgique. Au pôle Nord ou quoi? Non, je suis restée en Belgique. Mais il a fait bon en Belgique. Tu me connais, le soleil, moi je me mets à l'ombre, mais j'aime beaucoup le soleil. Elle est un vampire en fait. Le vampire qui va vous accompagner avec Khalid tous les jours entre 16h et 20h. On est ravis de vous retrouver. On espère que vous allez bien. Peut-être que c'est déjà la rentrée pour vous aussi. Nous, c'est depuis ce matin 6h. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous accompagner toute la saison entre 16h et 20h avec toute la playlist énergie, tous vos hits préférés. Et la saison prochaine aussi. Et celle d'après aussi. Pendant 10 ans, ça va être nous. Ça, tu dois voir avec le boss. Hein. Ben ça, oui, on peut pas plus, savoir. C'est plus. Allez, on va écouter Lost Frequencies, Claudio Capeo aussi. Et puis, évidemment, c'est la tradition dans cette émission. On vous tient au courant de tout ce qui se passe dans l'univers des people. Dans l'univers des séries télé. On parlera tout à l'heure d'une série que vous aimez beaucoup, de Big Bang Theory. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais on vous racontera ça tout à l'heure. Là, on parle d'une panique qui s'est déroulée dans un concert de Jay-Z et de Beyoncé. C'était ce week-end. Ils étaient à Atlanta dans le cadre de leur tournée commune. Il y a un fan qui a eu une très très mauvaise idée. Il a voulu, à mon avis, les toucher, se dire allez, ok, je tente le tout pour toucher le tout. Toucher les stars. Ouais. Et donc, le gars, il a non, mais c'est pas drôle. Parce il s'est fait plaquer au sol. Ben oui, exactement. Il est parvenu à monter sur scène, ce qui est quand même un truc de fou déjà. Ah ouais. Et donc, quand il s'est retrouvé sur scène, la sécurité n'a pas bougé tout de suite, ce qui fait que tu vois Jay-Z et Beyoncé, parce qu'il y a plein de vidéos, hein, vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux. Tu vois Jay-Z et Beyoncé en train de chanter, et puis ils se demandent un petit peu ce qui se passe, puisqu'il y a un mec qui fonce sur eux. Et ce sont les danseurs qui ont eu la bonne idée de l'intercepter et de le plaquer effectivement sur terre, par terre. C'est mieux. Et effectivement, là, il y a la sécurité qui est arrivée et qui l'ont emmené. Mais ils voulaient toucher Jay-Z ou Beyoncé? Les deux, à mon avis. Mais eux, en grands professionnels, devine quoi? Ils n'ont rien montré. Ils ont juste continué, mais ils ont continué le show comme si de rien n'était. Comme quoi, hein? Hein? Tu continues le show aussi? Oui, oui. Allez, on y va. Apprenez-en plus sur l'équipe qui vous réveille chaque matin dans le 6-9 sur Énergie. Frisco. J'adore la sauce tomate, mais je déteste les tomates. C'est dégueu les tomates, non? Il y a un truc qui m'énerve en voiture, c'est les gens qui restent sur la bande de gauche et n'avancent pas. Ma mère adore m'appeler par des petits noms, surtout quand je suis avec mes collègues ou mes patrons. C'est gênant, non? À tout le monde, je fais croire que je sais jouer de la guitare, mais je connais que 4 accords. Le 6-9 sur Énergie, tous les matins, 6h-9h. C'est décidé. J'engage un nouveau chauffeur. Quand on prend une décision, on ne peut pas penser à tout. Ah non! Non! Ça, c'est la marche arrière. Voilà pourquoi CBC a créé Global Pro. Une approche globale pour assurer votre matériel, votre personnel et votre activité. Contactez un de nos agents ou surfez sur cbc.be/globalpro. CBC Assurance. Décidez d'avancer. Chérie. Quand vous n'avez pas envie de... avec votre mari, vous pouvez dire... Oh non, chérie, pas ce soir. Pourquoi? Mais en fait, j'ai un début de mal de tête qui arrive. Ça va passer. Ah, mais je t'ai pas dit, j'ai mes... Encore? Je les ai déjà eu ce mois-ci. 3 fois. Ou alors? Mais arrête, tu vois bien que je suis au téléphone quand même. Oui, maman, excuse-moi. Il n'y a pas de meilleure excuse qu'un coup de téléphone. Appelez en illimité pour seulement 20 euros par mois avec Koala Limited Edition. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. La question du jour. Peut-on étudier l'histoire quand on a une mémoire de poisson rouge? Bien sûr! MediaMarkt est l'assistant de chaque étudiant. Nos experts vous recommandent un PC portable HP 15 pouces avec une mémoire RAM de 8 Go pour seulement 399 euros. Maintenant en magasin et jusqu'à dimanche inclus sur MediaMarkt.be. Vous en rêvez? Avec Neckermann, vous l'avez. Réservez vite vos vacances d'automne ou d'hiver et recevez jusqu'à 700 euros de réduction par réservation. Energy. something sweet. And when I'm down, you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your loving melody. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing. Froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, et j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonnée. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. vibing, so we turning up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down, can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Shut your mouth. And if you don't know, then I know it, babe. Know it, babe, yeah. We turn it up, yeah, we turn it up. They point out the colors in you, I see them too. And boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. And if you don't know, then I know it, babe, know it, babe, yeah. Va gémir à la fin du titre. Écoute, écoute. Ouais. Ah non, je me suis trompé. Attends, on est d'accord que j'appelle pas ça gémir. Mais non, mais c'est elle vrai. Elle fait des petits un peu sensuel, mais c'est pas. On peut dire gémir, hein. Oh, si tu veux, si ça te fait plaisir. C'est vrai que tout le monde fantasme sur Ariana Grande, donc pourquoi pas toi? Oh que oui. Alors, est-ce que tu fantasmes sur la rappeuse du moment, Cardi B? Oui. Ouais. Eh ben, on l'écoute dans un petit instant avec I Like It. Il y aura James Arthur Fresh, toute la playlist énergie pour vous jusqu'à 20h. Et puis aussi plein d'actu, notamment sur une série télé. Alors, est-ce que tu connais le générique de cette série? C'est connu. Mais ça me dit rien du tout. Ça fait, je crois qu'ils sont à la 11e saison quand même. Ça te dit rien? Ah, One Mother, je sais pas quoi là. Non. When I Meet Your Mother. Non. C'est Big Bang Theory. Ah. Et on en parle dans un tout petit instant sur Energy. I don't wanna like him, we be honest. Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever. Don't diamonds. I like stunning, I like shining. I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. Saw that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Chambean pero no jalan. Hola. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, where you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa. Yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Cómo me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo Bobby Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond District in the chain. Take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared. Cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can. But all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I'm not gonna try to. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked. I'm standing naked. Hey, get out. I've got nothing left to give, and you give me nothing now. Read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. Cause here I am, I'm giving all I can. But all you ever do is mess it up. All you ever do. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting hard for you just ain't enough. I'm not gonna wait. I'm standing, I'm standing, yeah. Energy. videur m'a recalé. Je ne fume pas la gueule trop pour l'inspirer des peuples, le négro est gainé. Yeah, yeah. Oui, j'ai fait du mal, mais dis-moi qui m'a donné le choix. Contrôle de routine, dictature, ta poutine, ça devient insupportable. Derba t'es saisi, tu prends 5 ans car ton dossier réside. J'ai des potes au gros casier, d'autres sont à la fac, sont en train de se casser. La cesse, monter des plans, prendre le cash, je suis bon grâce à le jardinier du coin, peu de bicrave, une bière sèche. Get, du pif, j'ai des bites, je bois pas d'alcool, mais en boîte, j'ai la bouteille. Gros bonnet sans casier, à la maison, personne sait que je fais les pépins. C'est la cuenta, c'est la cuenta. Les potos sont moliqués. Quand ça parle de descente de tic, de bicrave, là, c'est au Yankee, potos. Ta bonnie, mec, des kilos de coca dans les bendos. J'assure yeah. Les potos qui doivent cantiner. Allez, Pépé, Audi, Merco, et les gamos n'est pas une occasion. Just can't, it isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my trop bon ce morceau de Shawn Mendes à l'instant sur Énergie. Hein. Je surkiffe. Ouais. Je te vois, ouais. Clean Bandit et Demi Lovato, DJ Raleigh et Justin Bieber en nouveauté aussi, c'est la suite des hits. Et puis on vous parle de cette série. Bing Bang Theory. Tu vois l'actrice principale? Je la trouve très Elle est magnifique, ouais. La blonde, là, elle s'appelle Kelly Cuoco. Et donc, il y a quelques jours, on apprenait... Elle s'appelle vraiment Cuoco. Cuoco. C'est dur à dire. Quel est Cuoco? Donc il y a quelques jours, on apprenait effectivement via la chaîne de télé américaine CBS que la série allait disparaître après 12 saisons. Ça fait beaucoup d'années, ça. Hein, 12 saisons. 12 saisons. Et donc, ça lui fait très mal au cœur. La raison, en fait, c'est que un des acteurs principaux qui s'appelle Jim Parsons, c'est celui qui joue le rôle de Sheldon. Ouais. Mais lui, il veut passer à autre chose. Et donc, c'est à cause de lui que la série va s'arrêter. Apparemment. À cause d'une personne, on arrête. Oui, parce que le reste du casting était prêt à en faire l'égoïste. Encore une ou deux. Oui. Bon, il a publié un long message d'ailleurs sur Instagram pour les fans pour dire vraiment qu'il Excusez-moi, était désolé. Ouais, c'est égoïste, vous savez maintenant. Non, il n'a pas dit qu'il était égoïste, mais bon. Mais par contre, elle a beaucoup de mal à accepter cette nouvelle puisqu'elle a posté un message dans lequel elle dit qu'elle se noie dans ses larmes. Oh. Donc ça pleure dans les chaumières. Très vite. La playlist Énergie. C'est le retour de la playlist Énergie. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Beau ou mauvais temps, la nature va vous surprendre. Saviez-vous que l'eau de pluie qui tombe à Chauffontaine est filtrée pendant 60 ans par la nature ? Chauffontaine, naturellement surprenante. Baze présente les aventures de... Et dire qu'à la fin du mois, nous serons abandonnés, c'est trop triste ! Oh, sauve-nous, Tata Doggy Bagman ! Comment ? Des datas abandonnées ? Jamais ! N'ayez crainte, venez avec moi, je vous emmène au mois suivant ! Oh, mon héros ! Ouais, il paraît. Avec les abonnements de Baze, j'emmène vos restes de data au mois suivant ! Plus de 300 000 clients en profitent déjà. Conditions sur baze.be. Baze ! Énergie. Énergie. Nouveau hit. Tout frais. Tout frais. We the best music. Another one. DJ Khaled. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up. This whole time, I blow the brains out of your mind. And I ain't talking about physically, I'm talking about mentally. She lookin', she look like she nasty. She lookin', she lookin', she look like she classy. She lookin', she lookin', just look at her dancing. Look at her, she lookin', I took her to the mansion. You sneak out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. Change your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you're with me, yeah. magie n'opère plus. C'est souvent quand ses larmes tombent qu'elle s'aperçoit qu'elle a perdu espoir. Mais elle se laisse croire qu'elle peut baisser les bras. Laisse-toi une chance, tu pourrais sortir du lot. S'il y a un jour meilleur, il y en aura peut-être d'autres. Ouais, y'en a peut-être d'autres. Et peut-être que y'en a peut-être trop. Des gens infiniment tristes avec une tête drôle. J'aimerais tellement te voir un peu plus souvent rire. Sache que si tu pars demain, je me demanderai ce que t'as infligé la vie, tout ça secret bien enterré. S'il y a paradis, pourquoi le ciel devant ses rêves? Tu manques de temps, le monde manque de tact. Et c'est un tombeau tant que la pluie sur ton sac. Pourtant, t'étais si belle, Luna. Pourtant, t'étais si belle. C'était du son. C'est la classe, effectivement. Et la classe aussi avec Alex Germy, c'est dans un instant sur Énergie. Every time I wake, I can see her dress hanging on the back of the door. I feel like it's staring me down. So I look to the floor. time I move, tripping on your shoes. Every time I open the drawer, I let the skeletons out, and we dance through the hall. Avec Wendy, la reprise. Avec Khalid aussi. Eh ouais, l'année 2018-2019. C'est ouais, parti, c'est ça, hein. C'est ça, parti, 2019. Ouais. Ça ouais. commence aujourd'hui. C'est ça. Oh, tu c'est... vas. Toi, oh là là là. C'est ça, ouais. Il va falloir te reposer. Bah non, pourquoi? Déjà. Ça va, je viens de revenir de vacances. Bah oui, justement, ça fait peur. Dans un petit instant, on va écouter Alex Germis, mais là, tout de suite, un point météo. Et ce soir, le ciel restera un petit peu nuageux. Les minima seront compris entre 6 degrés en Haute-Fagne et 13 degrés à la côte. Demain, le temps restera sec et même ensoleillé et même un petit peu plus doux, avec des maxima de 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 24 à 25 degrés ailleurs. Pas très chaud, non. On va pas s'en plaindre. Le flash tout de suite, le flash de 17h, c'est avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Wendy, bonjour à tous. Le chômage est en forte baisse en Belgique. L'Office national de l'emploi a recensé une baisse de 7% par rapport à l'an dernier. Il n'y a plus si peu de chômeurs depuis le début des années 80. Le chômage complet des jeunes de moins de 25 ans a également fortement diminué. Faites doublement attention à l'avenir au volant et surtout à l'endroit où vous vous garez. Le prix des amendes pour les infractions routières augmenteront de 5% à partir du 1er septembre. C'est-à-dire qu'une infraction du premier degré passera de 55 à 58 euros. Cette augmentation était justifiée pour que les montants réclamés par les communes soient plus ou moins les mêmes que ceux des perceptions immédiates. La Chine se prépare à un gros changement. Le pays compte supprimer complètement la limitation des naissances. Cette loi existe depuis près de 40 ans et il s'agirait d'un bouleversement dans ce pays. Un nouveau code civil est en préparation. Il doit être adopté lors d'un vote prévu en 2020. Depuis 2015, déjà, les couples mariés sont autorisés à avoir maximum 2 enfants. Enfin, tennis, Elise Mertens sera la première Belge à fouler les courts de l'US Open. La Limbourgeoise affrontera dans quelques minutes la japonaise Kouminara. Elise, tu fais super bien l'ouvrir. Ah, ouais. Tu vois. Et Elise Mertens, elle, aborde l'US Open à la 15e place du classement mondial. David Goffin, lui, défiera demain l'Italien Federico Gaio au premier tour de l'US Open. À toi. Vas-y, non, moi, non. Vas-y, Yannick. L'info énergie. Alors aujourd'hui, dans l'info énergie, on va parler de Donald Trump pour une raison assez drôle. Pour une fois, le président américain, il était... J'aime bien le pour une fois. Ouais, non, parce que quand on annonce Donald Trump, en général, on a un peu peur, mais là, ça va. Donc, il était en visite dans un hôpital pour enfants. Alors, il a voulu participer à un exercice avec eux. Le but était de colorier le drapeau américain. Ça a l'air plutôt simple. Malheureusement pour lui, les caméras ont constaté qu'il s'était trompé dans son coloriage. Il a en fait mis ligne bleue au milieu des bandes rouges et blanches du drapeau américain. Ça a fait un énorme buzz sur Twitter. Bah ouais. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ouais, c'est ça en fait. Ça ne nous étonne pas du tout. Et alors, beaucoup lui ont fait remarquer que les rayures sont uniquement rouges et blanches sur le drapeau américain, ouais, évidemment. Oh là là, il en fait des bourdes, celui-là. Ouais, le drapeau belge, quelle couleur? Oh là là. Allez, rouge. Voilà. Noir, jaune, rouge. Ah bah voilà. Merci Yannick, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Beau ou mauvais temps, la nature va vous surprendre. Saviez-vous que l'eau de pluie qui tombe à Chauxfontaine est filtrée pendant 60 ans par la nature? Chauxfontaine, naturellement surprenante. ce que ce jeune homme veut dire par « Yeah, Pogo », c'est « J'espère que mon GSM va y rester. Comme ça, je peux m'en acheter un nouveau. » Après les vacances, accélérez le rythme avec un smartphone à partir de 9 euros. En ce moment, pour tout nouvel abonnement mobile. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Préféré sans s'arrêter. Sans s'arrêter. La playlist énergie. C'est la playlist énergie. Everything was going well. No obligation. Thought I'd make a getaway on a chill out day. A coffee to take away. I got my head done. Should have been a lovely day. Didn't end that way. Puis là c'est trop parti en couille. A d'abord eu la pluie. La loi de Murphy a décidé d'enterrer mon brushing. Un mec me demande son chemin, gentil, moi je le dépanne. En fait c'était qu'un plan de rack, ce con m'a fait rater mon tram. J'en profite, je passe à la banque, je laisse passer mémé. Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ces extraits de l'année. Je l'aurais poussé et coursé dans la porte automatique. You too, thinking it would be okay with this direction. What the heck? I should have stayed in bed. Netflix and honey tea curled up in my bed. Will be better in my sweater than be outside in this weather. Je me suis dit qu'il était temps. J'ai vite compris que c'était pas mon jour. C'était écrit sur cet écran que que ma vie voulait ma peau. Ce retrait est impossible pour cause de solde insuffisant. C'est merveilleux qu'il a dit. C'est la semaine prochaine, mais nous c'est aujourd'hui, ça commence depuis 6h ce matin avec le 6-9 tout à l'heure. Vince qui va débarquer à partir de 21h. T'es plus en vacances, hein, Khalid. Tu bon, sais pardon, ça. Mais je tous, ouais. T'es parti où toi? Moi je suis parti en vacances à la mer du Nord, non au Maroc. À la mer du Nord. On écoute Post Malone là tout de suite sur Énergie. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Whoa. I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I seen you with your other dude. He seemed like it was pretty cool. I was so broken over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. I only say that cause you're not around. C'est tout frais. Nouveau hit, tout frais. Dans la playlist Énergie. Salut, c'est Maître Gims. Vous écoutez mon nouveau hit sur Énergie. Maître Gims. Quand la zone, dis-moi pourquoi tu fuis. Toi, qu'est-ce que je suis, Nicolas? Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, Nicolas. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, Nicolas. Pardon my French, it's Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist. Counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my. She love to hear it beat. I love her from her head to her feet. She my sweet, sweet. Warm-hearted, hot French missus, French kissing. And she got that French dip, I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Tune, she got your quarters on skipping. Corazón, au revoir. Dis-moi pourquoi tu fuis, toi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Nicolas. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en va pas, Nicolas. Nicolas, Nicolas. Fresh baby, comment allez-vous? Cool, like a freestyle top off the roof. I'm a new. You know the yacht like a cruise ship. Me to a Rory, diamonds freezing on my dudes and lion face. I'm talking about 100 links. Tat tears, big beers, Usama gang. Hey, a brother like peers. Multi-millionaires for 20 years. Moving it up, 24K gold solid. Through my city flow, did it up. Fresh vanilla on a rock, on a rock. I make a melon do the pop. Bottom of the pot, on the top and the bottom. From the bottom to the top, yeah. And you know what I'm on. Grind all night, count money in the morning. Dis-moi pourquoi tu fuis, tout toi qu'est-ce que je suis, Nicolas. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Nicolas. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en va pas, Nicolas. Nicolas. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Nicolas, dis-moi pourquoi tu fuis, tout toi qu'est-ce que je suis, Nicolas. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Nicolas. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en va pas, Nicolas. Nicolas, Nicolas. Dis-moi pourquoi tu fuis, tout toi qu'est-ce que je suis, Nicolas. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Nicolas. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en va pas, Nicolas. Nicolas. Ouais. Ça veut dire quoi? Mon amour. Mon cœur. Ah, ouais. Je crois bien, c'est mon le cœur. Hein. Ouais, tu coeur. M'as fait peur. Pour une fois que je connais un mot. Mais c'est ça, parce que c'est mi amor, mon amour. Ça, c'est mon cœur. Et c'est Maître Gims avec Lil Wayne et French Montana, ouais. L'instant sur Énergie. On continue. Il y aura The Weeknd avec Daft Punk, Kygo, ouais. Maroon 5 avec le nouveau Girls Like You. Et ah, puis. J'ai mon nez, cool. C'est vrai. Donc, on disait, t'es parti en vacances. Oui. Allé au Maroc. Au Maroc. Est-ce qu'il y a du sable fin là-bas? Oui. Sur ah la oui. plage. Ah ouais. Bah ouais. C'est des belles plages. Ah bah ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des dauphins plages. Là-bas? Est-ce qu'il y a des dauphins? Bah je pense ouais. que oui. Je sais pas en fait. En j'en cas, ai pas croisé. Fait... J'en ai pas croisé. Ah voilà. Mais sachez des requins moment... par contre. Ah des requins comme toi oui. Non, pardon. Sachez qu'en ce moment la baignade est interdite sur une petite bourgade sur une plage de Bretagne. Ah. Les autorités ont interdit les baignades, je cite, à cause de la présence exceptionnelle d'un dauphin solitaire. Alors l'explication, d'habitude les dauphins c'est très gentil, ouais. Bah ouais. Et ben là c'est que ce dauphin qui mesure quand même 3 mètres de long, il est en chaleur. Tu il cherche une madame. Tu rigoles. Et donc non, je rigole pas. Il faut l'approcher. Enfin, il faut surtout pas l'approcher justement parce et donc que... il prend les humains pour des madames. Mais non, bah, c'est à dire qu'en fait, ce qu'il fait, c'est un peu comme la plupart des animaux quand ils sont en chaleur. Ah ouais, il se frotte. Il se frotte oui. à tout ce qu'il trouve, que ce soit un bateau ou que ce soit une personne. Si jamais vous le croisez, bah il va venir se frotter sur mais toi. Il y a plein de sauf gens qui veulent faire l'amour avec un dauphin. Non, personne. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut. Normalement, il fait pas mal. Mais un coup de nageoire, tu vois, il a des grandes nageoires. Ah ouais. Il fait quand même 3 mètres de long, je rappelle. Ça ah peut ouais. faire très, très, très, très mal. Donc voilà, il faudrait lui trouver une madame dauphin. Bah pourquoi ouais. ça se passe bien, qu'il puisse calmer ses échecs. Pourquoi pas ses Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. You got me on the line. Les plus gros hits en voiture. We can do better. Les plus gros hits au travail. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things around. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. À la rentrée, découvrez sur Fnac.be des réductions jusqu'à 30% sur les ordinateurs et tablettes, le tout livré chez vous ou en magasin. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. C'est décidé. Je refais le stock de produits frais. Quand on prend une décision, on ne peut pas penser à tout. Chef, la chambre froide vient de prendre un coup de chaud, là. Voilà pourquoi CBC a créé Global Pro. Une approche globale pour assurer votre matériel, votre personnel et votre activité. Contactez un de nos agents ou surfez sur cbc.be/globalpro. CBC Assurance. Décidez d'avancer.

don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. No room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Compositeur, musicien, producteur norvégien, tout ce qu'il fait, danseur, ça fait le monde entier. Mangeur les de sushi. Aussi. Arrête, j'ai faim déjà. Ah ouais, ouais. Il est 17h30. Je sais, je vais devoir encore patienter, c'est pas grave. On vous accompagne évidemment jusqu'à 20h sur Énergie. Il y aura les Destiny's Child dans Souvenir et puis il y aura Louane, Bassada, tous vos hits dans la playlist Énergie. Et puis on vous parlera aussi de Michael Jackson. Il fait le buzz en ce moment, c'est pas une blague. Ah bon? Ouais, pour un truc. C'est déterré passé... la terre, non? Non, je sais pas. On n'est pas dans Thriller, bah, s'il te plaît. C'est Michael Jackson quand même. Oui, c'est vrai, ouais, il serait capable. Bah, on serait capable, exactement. Mais on vous parle de lui dans un petit instant. C'est pas possible d'avoir fin à 17h26 quand même. Maison, appartement, rénovation, c'est le moment de vous offrir la qualité Thomas et Piron. Must be so proud. They don't. What they don't know is we don't care. We're gonna keepin' on going till we can't go no more. We're gonna rise till we fall. Yeah. And we hit the bottom, nothing gonna stop. Climb to the top, you know. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They trying to hate. Souffrir, j'essaie de nous retenir. Courir, s'enfuir, je l'ai pas vu venir. Oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas. Baisser les bras, j'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. Oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh, oh non, oh oh oh. Mentir, en finir, j'essaye de nous appartenir. Salir, s'abstenir, plutôt mourir, oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. But I'm stronger, you thought that.